Chapitre 8e. Assis sur le seuil de la ferme où il était hébergé, l'homme écrasa sa cigarette dans les graviers et regarda au loin. À ses pieds s'étendait le calme plateau de Puy-Ricard, avec à gauche de l'horizon, du côté est, la montagne Sainte-Victoire qui veillait, illuminée par les derniers rayons du soleil. Dans le creux d'Aix, déjà gris, quelques façades reflétaient encore la lumière du couchant. Jadis, les Celtes Ligures, anciens autochtones, s'étaient établis à l'extrême bord du plateau, avec le bassin d'Aix à leurs pieds. Ils avaient compris, eux, que la mort venait du sud et d'Italie. Il eut un vague sourire ironique en pensant que certains auraient été bien inspirés d'en faire autant. Il supportait difficilement toute compagnie. Habitué depuis de longues années à être seul, à souffrir seul, à espérer seul. Le revers de la médaille, c'est qu'il ne cessait jamais de ressasser sa vie, qui lui paraissait tantôt courte et se résumant à quelques heures, tantôt interminable et stérile. Les autres la lui avaient volée, et c'était un crime bien plus grave que la mort. Il lui restait encore pas mal de besognes à accomplir, et ça n'allait pas être si facile. Il se leva péniblement, se frotta les reins et se redressa avec précaution. C'est qu'il n'était plus tout jeune. Il avait perdu l'habitude de vivre au grand air et entama une série de 4 éternuements. 4. C'était son score habituel. Il se demanda pourquoi il s'était engagé dans cette voie et dut encore trouver des arguments qui l'encourageraient à ne pas abandonner ce qu'il avait entrepris. Ayant accompli dans sa tête un rapide flashback, il finit par se dire que sa tâche était légitime et qu'il fallait la continuer. En plus, elle pouvait le mettre à l'abri pour le restant de ses jours. Il consulta l'heure à la vieille pendule accrochée au mur de la cuisine. Détestant les contretemps et les imprévus, il était en avance, mais cela lui permettrait de parer à toute éventualité. Il avala le café que Martha, la femme qui l'hébergeait, lui tendit. « Gentille, Martha. Pour elle aussi, la vie n'avait pas été tendre. Elle avait servi de chienne fidèle et d'esclave à une brute dont seul l'amour l'avait libérée. » Puis il passa un coup de fil en utilisant l'antique téléphone noir accroché au mur du couloir. « C'est bon, » lui fut-il répondu à l'autre bout du fil. Il enfila sur sa chemise un vieux blouson et enfourcha la mobilette brinque-ballante que Marthe lui prêtait. Arrivé sur les lieux, il prit le paquet enveloppé de papier kraft qu'on lui tendait, se mit au volant de la voiture. Juste à ce moment-là, une femme d'un certain âge pénétra dans la cour. Il démarra et prit la direction des quartiers nord de Marseille. Tout en conduisant, il réfléchissait à ce qu'il considérait comme une contrariété. Il n'avait pas prévu de rencontrer cette femme maintenant. S'il comprenait volontiers la présence de la police qui, après tout, faisait son travail et lui permettait de jouer à cache-cache, il ne pouvait tolérer des acteurs inopportuns du drame. Il comptait bien rencontrer cette femme au moment venu, quand il l'aurait programmée. Il se rendit à l'Estac et gara la voiture sur le parking de l'esplanade au-dessus des bateaux. Il emprunta une ruelle étroite, juste derrière l'avenue bordant le port où les bars-restaurants se succédaient comme des stands de fêtes foraines. Comme c'était prévu, la bande de gosses jouait au foot sous la direction de Victor, un petit noir d'une douzaine d'années sur lequel Allah était bien le seul à veiller. Lorsque le gamin l'aperçut, il se dirigea discrètement du côté de l'homme. Celui-ci, en signe de salutation, lui tapa dans la main et lui glissa dans l'autre un billet de 20 € plié en 8. Puis il sortit de sa poche un paquet d'une dizaine de gros pétards que Victor fit disparaître prestement dans la poche de son jeans. « Il en manque un, Pépé, » fit le gamin en lui tendant la main. Ayant reçu un deuxième billet de 20 €, il retourna jouer avec ses copains. L'homme se rendit dans une ruelle perpendiculaire d'où il apercevait le haut des mâts dans le port. 2 minutes plus tard, le premier pétard éclata. L'homme attendit la troisième détonation pour pénétrer dans l'arrière-cuisine d'un restaurant donnant sur le port. Un quatrième pétard éclata. Un gros homme en tricot de corps apparut à une fenêtre du premier étage pour vociférer après les gamins qui jouaient dans la rue. Il fut suivi de près par une vieille qui ouvrit sa porte et balança courageusement un seau d'eau au gosse. « Non mais vous n'êtes pas un peu fada de faire péter des pétards, c'est pas le 14 juillet, non? Allez, foutez le camp !» Une nouvelle détonation retentit. Aussitôt l'homme ressortit de la souillarde et regagna tranquillement sa voiture. Les gamins s'égayèrent dès que les munitions furent épuisées. Soudain, une grosse femme en tablier jaillit de la cuisine en poussant un hurlement qui ameuta tout le quartier. Victor, resté à proximité, se glissa dans la cuisine et contempla le spectacle. Le cuisinier, un homme âgé, était effondré sur une table, la tête fracassée, le nez dans un rôti de bœuf, son propre sang se mêlant à celui de la viande. Victor eut un sourire malicieux et fit une légère moue. Il venait d'entrer dans la carrière, son premier macabre. Arrivé chez lui, le gamin cacha ses deux billets dans la planque habituelle. Son magot grossissait doucement et bientôt il pourrait s'acheter l'arme dont il avait besoin pour commencer son business. L'homme pouvait compter sur sa discrétion. Quant aux autres, ils savaient bien qu'ils avaient intérêt à fermer leur gueule. Cette nuit-là, Jejiga avait encore fait un cauchemar. Elle avait rêvé qu'on la transportait sur le billard, alors qu'on la recouvrait du champ opératoire, penchée sur le côté. Elle voyait distinctement les jambes des infirmières et des chirurgiens aller venir. Elle avait beau leur dire qu'elle n'était pas endormie, qu'elle sentait tout, qu'elle voyait tout, rien n'y faisait. Ils continuaient tranquillement. Finalement, elle sentit sur la peau de son crâne rasé le froid du burin, accompagné de sa sinistre vibration. Elle poussa un hurlement, mais rien ne sortit de sa gorge et elle se réveilla haletante, fiévreuse et moite, renversée sur le flanc comme un animal blessé. Seul l'air frais du matin lui rendit un peu de sérénité. Dès que Volpi arriva dans son bureau, un agent lui apporta le rapport du labo concernant l'arme de Canepparo. Il le feuilleta rapidement et hocha la tête avec gravité. Il n'y avait qu'une alternative. Ou bien Canepparo était l'assassin, ou alors il n'avait absolument rien à voir avec le meurtre et était victime d'une machination. Il convoqua Pérez et Jejiga dans son bureau. Le lieutenant arriva sur le champ, mais comme à son habitude, Pérez se fit attendre, ce qui insupporta le patron. « Pérez, vous venez au boulot à pied maintenant, ou vous marchez sur les mains? Donnez-nous vos horaires, ça simplifiera les choses. Excusez-moi, patron. » Volpi fit signe de la main qu'il se fichait pas mal de ses excuses et ouvrit l'étui de l'arme de Canepparo sur son bureau. « Bon, écoutez-moi maintenant. Les trois projectiles retrouvés ont été tirés avec cette arme sans aucun doute. Les spécialistes disent que c'est un fusil léger, extrêmement précis, à plus d'une centaine de mètres. Les cartouches renferment une grande charge de poudre qui rend les projectiles mortels même à grande distance. » « Oui, mais cela on l'avait compris. » Rien qu'en voyant l'arme. Et pour le reste ? Demanda Jejiga. Volpi haussa les épaules en signe de dépit, puis continua. Les traces papier relevées sur l'arme et sur l'étui ne correspondent qu'à une seule personne. Et cette personne, c'est Canepparo, patron. Même si nous n'avons pas encore ses relevés d'empreintes, ce sont forcément les siennes, puisqu'il a été le dernier à toucher le fusil à main nue. Oui, d'accord, reconnut Volpi. Mais il aurait pu y en avoir d'autres. Le fusil aurait pu avoir été tripoté par une autre personne. Eh ben non, à moins que l'autre ait utilisé des gants. Et pourquoi ce ne serait pas Canepparo l'assassin ? Demanda Jejiga. Volpi se leva et alla se planter devant la fenêtre, les mains dans les poches. Pour vous dire la vérité, je nage complètement. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Question d'intuition. Bon, mesdames, je vais vous laisser. Je passe voir ma fille à l'hôpital. Elle va mieux, patron ? Demanda Pérez. Oui, merci, c'est gentil. Mais c'est surtout les séquelles éventuelles qui me font peur. Là-dessus, on n'en sait rien. Volpi sortit, Jejiga fit part d'une question qu'elle se posait. On dirait que ça te gêne que Canepparo soit l'assassin. Pourquoi ? Parce que je serais un peu dans la mouise, répliqua Pérez, en se mettant les mains sur la tête en signe de protection. Je ne te comprends plus là, Michel. Tu me mets au parfum ? Et le capitaine fut bien forcé d'expliquer à son lieutenant le petit échange de billets de la veille. Il m'a téléphoné ce matin vers 9 h et je lui donnai rendez-vous ce soir dans un petit resto de Calas. Tu vois un peu le tableau ? Au lieu d'être en face d'un témoin, je vais casser la croûte avec un suspect, et un grave, en plus. J'avais accepté son invitation pour lui tirer les vers du nez sur le passé d'Anzilouti. Mais qu'est-ce que tu crois découvrir, ma pauvre ? Il n'est pas bête, ce type. Ça n'avait pas eu l'air de trop l'affecter qu'on prenne son fusil. Il savait très bien qu'on allait analyser l'arme et forcément découvrir ses empreintes. Il va te dire que c'est tout à fait normal. Quant au bal tiré, il va te dire, avec un air d'ange, qu'il ne comprend pas. Attends, Et s'il ignorait que les balles retrouvées provenaient justement de son arme, c'est possible ça, non ? Pérez, énervé, sortit son paquet de clopes. Et puis, tu ne crois tout de même pas que je vais me pointer avec de si gros sabots ? Je ne m'appelle pas Jedjiga, moi. Je ne vais évidemment pas lui parler des résultats de l'analyse du fusil. D'abord, je verrai bien s'il me questionne le premier à ce sujet. De toute façon, nous pouvons bien attendre demain pour lui mettre la main dessus. Tu n'as pas peur qu'il foute le camp ? Mais réfléchis un peu, Fadad. S'il avait dû disparaître dans la nature, il l'aurait déjà fait. On n'invite pas au restaurant le capitaine qui mène l'enquête quand on craint d'être arrêté. Mais justement, il veut se faire une alliée. Et toi, endormi, tu vas donner droit dans le panneau. Mais quel âge tu as, on dirait une midinette. Jedjiga tremblait légèrement et faisait un réel effort pour ne pas devenir grossière, tellement elle était offusquée de l'attitude de son capitaine. Pérez sentit qu'il fallait mettre un terme à ce dialogue stérile. Elle avait horreur des manifestations d'autorité, surtout vis-à-vis d'un de ses lieutenants, et pourtant elle laissa tomber. « Écoute, ma belle, c'est moi le chef. C'est mon enquête et je fais ce dont j'ai envie. Après tout, si ça foire, c'est moi qui serai responsable. T'inquiète. » « Ok, capitaine, mais ne te plains pas si tu te ramasses. Est-ce que j'ai l'habitude de me plaindre ?» Jedjiga était mal à l'aise. Elle aimait ceux qui étaient francs, droits, sans mensonge ni compromission. Elle avait horreur des coups tordus, à la limite du règlement et de la légalité. Même si sa responsabilité n'était pas directement engagée, elle avait pleinement conscience de l'honneur et de la renommée de la brigade. Qu'un seul de ses membres, et à fortiori le capitaine, déroge, et c'était la réputation de l'équipe entière qui en pâtirait. Ses scrupules ne reposaient pas sur le souci d'avancement. Non, c'était simplement une question d'éthique. Elle avait été élevée comme cela, et c'est pour cette raison qu'elle avait choisi la police. Si c'était pour bidouiller, magouiller, tripatouiller, elle n'était plus partante. Si cela n'avait tenu qu'à elle, on aurait rendu compte au commissaire central. Le procureur aurait été immédiatement prévenu. Ils auraient décidé ce qui était bon de faire, laisser courir le suspect ou le coffrer tout de suite pour le cuisiner. Là, Pérez voulait jouer le coup en franc-tireur et cela ne présageait rien de bon. Comme le supposait Jedjiga, Pérez décida de sursoir le déroulement normal de l'enquête au lendemain. D'ailleurs, pensa-t-elle, Volpi, à qui pas grand-chose n'échappe, avait peut-être capté le manège du capitaine et de Canéparo. Mektoub, après tout, il va vivre dangereusement, surtout quand on est dans la police.